Nous allons camper ici. Je vais, moi, voir s'il y a moyen de faire entrer les marchandises dans la ville. Remendado! Et alors, debout, tu vas venir avec moi. Oh, et moi qui rêvais que j'allais pouvoir dormir. Voyons, Carmen. Si je t'ai parlé trop durement, je t'en demande pardon. Faisons la paix. Non. Tu ne m'aimes plus, alors? Ce qui est sûr, c'est que je t'aime beaucoup moins qu'autrefois. Je ne veux pas être tourmentée, ni surtout commandée. Ce que je veux, c'est être libre et faire ce qu'il me plaît. Oh, tu es le diable, Carmen. Mais oui, je te l'ai déjà dit. Thank you. l'amour. Aperçu trois douaniers qui gardaient la brèche. Savez-vous leur nom, ces douaniers? Mais certainement, nous connaissons leur nom. Qui connaîtrait les douaniers si nous ne les connaissions pas? Il y avait Eusebio, Pérez et Bartholomé. Oh, Eusebio, Pérez et Bartholomé. Oh, n'ayez pas peur d'en cahir, nous vous en répondons, vos trois douaniers. Carmen! Ah, toi, tu vas nous laisser tranquille avec ta jalousie. Je te confie la garde des marchandises que nous n'emporterons pas. Tu vas te placer là, sur cette hauteur, et dans le cas où tu apercevrais quelqu'un, je t'autorise à passer ta colère sur l'indiscret. Ah, ils sont mieux, nous autres. Oui, patron. En route, alors. Oh, C'est José. José. José. Il arme sa carabine. Fatala, répondez. Et là, doucement. Je suis Escamillo, torero de Grenade. Escamillo, c'est moi. Je connais votre nom. Soyez la bienvenue. Mais vraiment, camarade, vous pourriez y rester. Je ne vous dis pas non, mais je suis et celui-là serait un pauvre compagnon qui, pour voir ses amours, ne risquerait sa vie. Celle que vous aimez est ici, justement. C'est une Tzingara, mon cher. Elle s'appelle... Carmen. Carmen. Carmen. Oui, mon cher. Elle avait pour amant un soldat qui jadis a déserté pour elle. Carmen. Ils s'adoraient, mais c'est fini, je crois. Les amours de Carmen ne durent pas 6 mois. Vous l'aimez cependant? Je l'aime. Vous l'aimez cependant? Je l'aime. Oui, mon cher, je l'aime. Je l'aime à la folie. Savez-vous bien qu'il faut payer? Soit on paiera, soit on paiera. Et que le prix se paie à coup de Navaha. À coup de Navaha, entrenez-vous. Le discours est très net. Ce déserteur, ce beau soldat qu'elle aime, ou du moins qu'elle aimait, c'est donc vous. Oui, c'est vrai. J'en suis ravi, mon cher. J'en suis ravi, mon cher. Et le tour est complet. Elle me balade, tant de qui m'aime, elle le sent. Tu es la maîtresse, elle va bien couper la main. Elle me balade, tant de qui m'aime, elle le sent. Tu es la maîtresse, elle va bien couper la main. Mettez-vous sans garde, éveillez du vent. Mettez-vous en garde, éveillez sur vous. Tant pis, piquez la balle et les coups. Mettez-vous en garde, éveillez sur vous. Quant à toi, beau soldat, je prendrai ma revanche et nous jouerons la belle. Oui, nous jouerons la belle. Le jour où tu voudras reprendre le combat. C'est bon, une querelle. Nous allons partir. Et toi, l'ami, bonsoir. Souffrez au moins qu'avant de vous dire au revoir, je vous invite tous aux courses de Séville. Je compte pour ma part y briller de mon mieux. Et qui m'aime y viendra. L'ami, tiens-toi tranquille. J'ai tout dit, oui, j'ai tout dit, et je n'ai plus ici qu'à faire mes adieux. Toi, Carmen, je suis là de souffrir. En route, il faut partir. En route, en route.